cum le dă de pe taie tuturor pom. Copii, on met dans l'abattoir comme hier. On envoie perdre, boire et brûler là où la bête. Baby, est plus facile à traire. Oh si, petit agneau qui t'est encore ta mère. Méfie-toi du bord des eaux troubles où l'on peut voir flotter les narines, l'œil opaque, des crocodiles à quatre pattes, qui te guettent pour te happer. Et des croquettes croupillantes de nail dans les mâchoires de crocodile. Bien, crocodile. Et de consensus, des engraisseurs de porc qui nous sucent le cortex. On est de plus en plus enchaînés au rouage de la machine qui s'emballe, nous entraîne en spirale vers les bas, vers les cas. Oh, aussi gracie l'antilope, charmant fait cochère. Il faut toi des violents coups de queue du caïman à lunettes, les plus racailles, le plus retard des crocodiles. Je donnerai pas cher de ta peau.